étoile. T'aimerais être une star et vivre de ton image. Et tous les propres petits nombrils salis, ils salis, salis se salis. canaille sûre.